Histoire vivante, c'est tout de suite sur la première jusqu'à 14h. Très belle suite de journée à l'écoute de nos programmes. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Imaginez, vous venez de quitter tout ce que vous connaissiez. Vous aviez jusque-là une maison, une famille, un métier. Vous avez été obligé de fuir une guerre, un dictateur, des massacres. Vous avez réussi à traverser une frontière ou simplement atteint une zone sûre. Vous allez devenir un réfugié ou un déplacé. Et votre vie va bientôt se dérouler dans un camp, dans le pays des camps. À partir de maintenant, vous n'aurez ni le droit de travailler, ni de vous déplacer librement hors du camp, en dépit des conventions internationales. Vous pénétrez un univers parallèle qui vous rend invisible au reste du monde. Cette semaine, Anne Poiret, réalisatrice et journaliste d'investigation. La première chose que vous allez apprendre de ce nouveau pays où on va vous conduire sera de faire la queue. La queue pour s'y rendre, la queue pour vous nourrir, la queue pour se loger. 67 millions de personnes habitent un pays qui n'existe pas. Un pays qui ne figure sur aucune carte. Un pays dont le nom même ne figure dans aucun dictionnaire, dans aucun atlas. Anne Poiret, bonjour, comment s'appelle ce pays ? Le Réfugistan, c'est un nom qu'a inventé les producteurs de ce documentaire en cherchant un titre. Et ça nous a semblé effectivement intéressant de créer cet espace qui existe mentalement, mais qui n'existe sur aucune carte et qui n'a pas d'existence réelle, mais qui, dans les faits, existe. C'est-à-dire que les camps de réfugiés sont organisés et sont sous la responsabilité du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui a la charge d'un certain nombre de camps de réfugiés. Et dans ces camps, au-delà des différences de politiques, des situations, au-delà des différences géographiques, continentales, enfin voilà, tout ce que les populations et le contexte qui est évidemment différent, ces gens ont beaucoup en commun, c'est-à-dire qu'ils ont une organisation de ces camps et du territoire du camp qui est identique et qui relève d'une même organisation. Et donc nous, ça nous a semblé important de le faire apparaître, donc de lui donner un nom, de donner un visage. Il y a un personnage fictif dans le documentaire qui se promène d'un camp à l'autre, qui évidemment n'existe pas, mais qui lie ces camps entre eux, et de montrer non pas ce que ces camps ont de différent, mais ce qu'ils sont de commun. Le camp de réfugiés, on a déjà eu l'occasion de le traiter dans Histoire vivante, et notamment d'avoir l'un de vos intervenants, le remarquable ethnologue Michel Agier. Michel Agier, c'est un sujet qui est typiquement dans l'angle mort. Aussi, je me suis demandé comment vous en étiez arrivé à le trouver, ce sujet, parce que on parle souvent des réfugiés, mais on parle très très peu du camp de réfugiés, voire pas du tout. De là à penser en faire un documentaire en soi, il fallait être tombé sur quelque chose, j'allais dire de visible, j'allais dire de physique, parce que c'est vrai que quand on est devant la réalité physique du camp de réfugiés, là, on se dit, il y a une matière phénoménale. Donc, est-ce que c'est au hasard de vos tournages où vous étiez retrouvé? Alors, je vais terriblement vous décevoir. C'est une commande d'Arte. C'est peut-être la seule. Bravo. Moi qui m'attendais. Arte avait, et ça a correspondu juste avant la crise de l'été, enfin la crise de l'été 2015. Quelques mois avant, Arte avait fait une série de portraits de camps. Et il voulait réfléchir un petit peu à quelque chose de plus vaste. Et donc, Alex Chalat, qui était le patron de l'unité documentaire, disait finalement, il faut s'intéresser à ce qu'ils ont de commun, en fait, et de cette architecture. Voilà. Donc, est-ce que tu veux pas réfléchir à quelque chose autour de ça? Alors, il y a les travaux de Michel Agier, il y a les travaux d'énormément de scientifiques, en fait, de chercheurs, parce que c'est un endroit qui est très peu connu du grand public, mais qui est très exploré par les chercheurs de beaucoup de différentes disciplines. Oui, parce que c'est aussi bien des économistes que des architectes. Voilà, il y a beaucoup beaucoup de gens qui réfléchissent et qui pensent le camp de réfugiés. Excusez cette interruption urgente, on part sur la route. Infotrafic RTS. Un véhicule roule actuellement à contresens sur l'autoroute A1 Yverdon-Morat entre Payerne et Avenches. Quelle que soit votre direction, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. Je répète, un véhicule roule actuellement à contresens sur l'autoroute A1 Yverdon-Morat entre Payerne et Avenches. Quelle que soit votre direction, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. qui m'intéressait, c'est que je m'étais déjà passionnée pour l'ONU avec Fabrique d'un État. Et là, c'était, voilà, ce qu'ils ont de commun, c'est quand c'est le HCR. Et donc, je trouvais ça fascinant de pouvoir explorer à nouveau une agence des Nations Unies. Et j'avais aussi une expérience personnelle qui était qu'en tant que journaliste, je m'étais déjà rendue à plusieurs reprises dans un camp. Et en lisant les travaux, en me mettant à lire les travaux de tous ces chercheurs, qui sont, évidemment, Michel Agier est formidable, mais il y en a d'autres qui sont remarquables et très, très pertinent et très très très fort, et de me dire finalement je suis allée dans ces camps, j'ai ressenti quelque chose de l'ordre, il y a quelque chose de qui ne va pas, qui est problématique, qui est anxiogène pour les gens, il y a quelque chose d'étrange, il y a quelque chose de bizarre, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour raconter une histoire au Yémen de réfugiés d'une région qui fuit la guerre, en Irak de Syriens qui viennent d'échapper voilà à la répression. Donc et du coup on passe à côté, et donc on passe, c'est-à-dire qu'on voit, c'est-à-dire qu'une fois qu'on lit ces études, on se dit mais évidemment je n'ai, enfin j'ai vu tout ça mais je ne l'ai pas vu en fait, et c'est très intéressant d'ailleurs comme réal ou comme journaliste de d'être confronté à ce qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire ce qui est sous son nez qu'on ne veut pas voir. Et donc, du coup, on a... Ou qu'on ne sait pas voir. Qu'on ne sait pas voir. Bon, merci. Et qu'on ne sait à ce moment-là pas voir. Et donc, on a construit ce documentaire, voilà, en se disant, il faut créer cet espace, il faut le faire apparaître, en faisant des cartes, en faisant ce personnage fictif, en lui donnant un nom, et en marquant le trait sur tout ce qu'ils ont de commun, ces camps. Et donc, on s'est dit, voilà, il faut un certain nombre de situations, il faut qu'il y ait un camp qui est en train de se créer, parce que c'est là où les choses se mettent en place, c'est là où on va rencontrer des gens qui rentrent avec des perceptions de d'urgence en fait, avec ensuite des situations qui ont duré et qui deviennent ces camps monstrueux qui sont faits pour être éphémères et qui durent des décennies, sur ce temps extrêmement long, avec 17 ans la durée moyenne calculée. Alors c'est un chiffre qui date qui émane du HCR, que certains chercheurs mettent en cause en disant on ne comprend pas la méthodologie du HCR pour arriver à ce camp, donc il vaut ce qu'il vaut ce chiffre, mais c'est le chiffre, c'était que mettait en évoque lui-même le HCR. Et ce qui est extrêmement paradoxal, c'est que tout le camp, d'ailleurs l'agence même du HCR était faite pour être une agence temporaire, pour régler un certain nombre de problématiques d'après-guerre, Seconde Guerre mondiale, et cette agence ne s'est jamais arrêtée. Et le camp, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est fait pour être temporaire, et ça dure. Et évidemment, concrètement, encore une fois, quand on rentre dans les petits détails des choses, quand une tente, c'est pas fait pour durer, c'est fait pour durer un certain nombre de mois. C'est pas fait pour durer 17 ans et encore moins 20, 30, 40 ans. À Dadaab, au Kenya, il est interdit de construire en dur. Vous n'avez pas le droit. Donc, évidemment, ça crée pour les gens qui y vivent et qui construisent une vie, des situations complètement ubuesques et complètement mortifères. Un projet comme celui de Bienvenue aux Réfugistes dont nous parlons aujourd'hui, Anne Porraes, suppose, sachant que vous allez tourner sur place dans des camps de réfugiés... Désolé d'interrompre le programme, on retourne sur la route. Infotrafic RTS. Un véhicule roule actuellement à contresens sur l'autoroute A1 Yverdon-Mora entre Payerne et Avenches, quelle que soit votre direction. Rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. Je répète, un véhicule roule actuellement à contresens sur l'autoroute A1 Yverdon-Mora entre Payerne et Avenches, quelle que soit votre direction. Rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. Une relative discrétion. Ça suppose que vous n'arrivez pas avec une équipe de tournage hollywoodienne, mais modèle réduit. Alors oui, d'abord parce que les moyens ne nous permettent pas d'avoir des équipes hollywoodiennes, de toute façon, et puis que, évidemment, on vient chercher des choses, il faut être le plus discret, même si vous n'êtes pas très discret dans un camp, quand même, quand il y a une caméra, les gens viennent. La vérité, c'est surtout qu'on ne rentre pas comme ça dans un camp. Donc, on a souvent des autorisations qui sont très restreintes. À Dadaab, par exemple, au Kenya, vous avez des autorisations soit de 3 jours, soit de 5 jours. Et vous y allez sous escorte policière de 9h du matin à 13h. Et c'est tout. Et vous n'avez pas le droit d'y aller la nuit. Parfois, pour le camp en Jordanie, on a failli ne pas y aller du tout parce qu'on a eu l'autorisation in extremis, en bataillon. Et rester la nuit, c'était un truc invraisemblable. On a pu faire une image et on est parti. C'est très contraint, le camp. J'ai eu le sentiment, mais peut-être allez-vous me détromper, que dans ce film-là, ou ce film-là plus exactement, marquait dans votre travail une forme d'évolution. Je veux dire par là que vous laissez l'image agir d'elle-même, ça respire plus, comme si le temps était absolument nécessaire, comme si la dilatation était nécessaire pour entrer encore un peu plus, autrement que par l'explication, à l'intérieur même d'un sujet. C'est possible. Ce qui est sûr, c'est qu'on a voulu à chaque fois aller dans des camps. On est allé chercher des situations très particulières. C'est-à-dire qu'on savait qu'il fallait aller à une distribution de matériel et des gens qui viennent d'arriver. On savait qu'on voulait suivre dans ce supermarché en Jordanie complètement ubuesque. Voilà. On allait filmer certaines scènes et qu'il fallait les laisser vivre en effet pour qu'on voit cette contradiction, pour qu'on voit parfois cette indécence, parfois voilà, et que ça ne marcherait que par des scènes. Comment vous choisissez votre équipe? Parce qu'il y a des scènes où on voit qu'il y a des gens qui en alertent d'autres, qui disent des choses absolument essentielles, mais évidemment vous ne parlez pas toutes les langues du monde. Donc comment vous faites? Alors c'est un petit peu ce que je vous ai dit en début de semaine, c'est qu'un documentaire c'est un travail d'équipe. Donc il y a un producteur, il y a une chaîne avec qui on a des discussions qui nous font évoluer, réfléchir. Il y a un monteur qui nous renvoie ce qu'on ramène et ce qu'on n'a pas ramené. Et il y a un chef opérateur ou une chef ou une femme qui chef opérateur. Et moi j'ai eu la chance de rencontrer un garçon qui est encore assez jeune mais qui est un des garçons extraordinairement talentueux qui s'appelle Thibaut Delavigne, avec qui je travaille depuis maintenant 5 ans et qui ramène des images complètement renversantes de beauté, de pertinence, de délicatesse. Voilà, c'est quelqu'un d'incroyablement talentueux mais également très juste, qui a un rapport avec les gens tout à fait particulier et qui pose sur eux un regard très délicat et très pudique. Et dans des films comme ça, ça ramène des images extraordinaires parce que tout est dit en un regard. Voilà, il va arriver à capter. Et ça ne s'organise pas. C'est-à-dire la personne le capte. On peut diriger un chef opérateur ou on peut diriger un caméraman en disant il faut filmer ça, il fait ça. Mais il y a des choses qui se passent dans l'instant. La personne le sent, le voit ou pas. Et Thibaut Delavigne, il a cette force incroyable. Mais il reste encore pour moi l'énigme de la langue. Quand on attrape une image, une scène dont on ne sait absolument pas le contenu, ou alors... Quand même, on les connaît d'abord parce qu'on a un fixeur avec nous qui nous explique ce qui se passe. Donc même s'il ne les traduit pas et que parfois Thibaut ne l'entend pas, on sait ce qui est en train de se passer. Donc après, effectivement, c'est la chance d'arriver à... Et puis parfois même le hors-champ suffit. C'est-à-dire que même si on l'a capté au son, s'il a pas l'image, c'est pas grave, on comprend la situation. Mais ça, c'est effectivement se coordonner, bien comprendre, savoir exactement ce qu'on va aller filmer. Et puis après, il faut effectivement un peu de chance. Et puis il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas monté parce que c'était pas bien. Voilà. Mais oui, ce travail-là de captation des moments, il est voilà, il y a des gens Thibaut est quelqu'un d'exceptionnel à ce niveau-là. Des pays hôtes qui se servent des camps pour négocier des subsides, des conflits que plus personne n'a intérêt à arrêter, pour de multiples raisons, vos camps durent, parfois des décennies. Dadaab a 25 ans, toute une vie quoi. Vous y avez eu des enfants, vous y êtes peut-être même né, mais vous n'y avez toujours pas le droit de construire en dur. Les humanitaires l'appellent le monstre. Les camps qui durent sont le lieu de toutes les absurdités. Excusez-nous pour cette interruption des programmes, on retourne sur la route. Infotrafic RTS. Un véhicule roule actuellement à contresens sur l'autoroute A1 Yverdon-Morat entre Payerne et Avenches. Quelle que soit votre direction, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. Je répète, un véhicule roule actuellement à contresens sur l'autoroute A1 Yverdon-Morat entre Payerne et Avenches. Quelle que soit votre direction, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. It's a huge problem because I think c'est extrêmement problématique que ces structures créées pour répondre à une urgence perdurent. Quand elles deviennent un mode de gouvernance et l'unique soutien des réfugiés sur le long terme, cela compromet leur avenir. Il y a des enfants qui naissent dans les camps, il y a des gens qui grandissent et deviennent adultes dans les camps. Pour eux, c'est souvent un désastre. Leur vie se déroule dans ce qu'un anthropologue appellerait les limbes. Ils sont coincés entre le monde du pays où se trouve le camp et celui de leur pays d'origine. Is It's a very dangerous environment to work in. C'est devenu un endroit très dangereux pour travailler. Ces dernières années, il y a eu de plus en plus de kidnappings et de morts parmi les humanitaires. Les Shebab, l'organisation terroriste somalienne, ont enlevé des gens dans le camp. Ça a eu un fort impact sur le moral du staff humanitaire. Ils ont désormais peur pour leur vie. Ils se sont mis à vivre eux-mêmes dans un camp. Ils n'en sortent que de jour et interagissent en gardant leurs réfugiés à bonne distance. C'est aliénant. Cela crée cette séparation importante entre les réfugiés et les humanitaires. Ils vivent derrière des barbelés, ils travaillent derrière des barbelés. Un extrait de Bienvenue au Réfugistan, documentaire réalisé en 2016. Infotrafic RTS. Sur l'autoroute Yverdon-Morat, il n'y a plus de danger lié au contresens précédemment signalé entre Payerne et Avenches. Histoire vivante, suite de l'entretien avec Anne Poiret, réalisatrice et journaliste d'investigation. Anne Poiret, on parle aujourd'hui de ce documentaire que vous avez réalisé sur les camps de réfugiés. Dans combien de camps êtes-vous allée ? Nous sommes allés dans 4 camps. Plus une formation plus à Genève, qui est le QG du HCR, plus une formation des gens du HCR qui apprenaient, en fait, il y a plusieurs sessions par an comme ça, où ils apprennent à construire un camp. Et en creux... Dans le nord de l'Europe. Hein. Alors ça dépend, il y en a en Allemagne, là nous on a suivi en Norvège, et c'était passionnant parce qu'en fait en creux, c'était un camp fictif, mais c'était presque un camp aussi. Ça parlait de la même chose, en fait. Donc, c'était presque un cinquième camp. Les autorisations ont été compliquées ? Les autorisations dépendent des pays. Donc, ce que je vous disais, au Kenya, c'est très restreint. C'est 3 jours ou 5 jours. C'est très organisé. Il y a ces escortes qui sont très contraignantes. En Jordanie, ils ont été très, très pénibles. C'est beaucoup plus politique, en fait, où il y avait quelqu'un des services secrets, des Mourabarats avec nous en permanence pour voir ce qu'on allait dire. Ils avaient repéré les gens qu'on allait interviewer. Ils leur avaient parlé avant. Donc, toutes les interviews avec les réfugiés commençaient par « Je remercie beaucoup le roi de Jordanie ». Bon, donc, c'est très, très contraint. Vous aussi. Et puis il y a le camp qui pour le coup a été quelque chose d'extrêmement particulier parce que c'était pas un camp en tant que tel qui était dans ce moment de l'été les suites de l'été 2015 où ces populations sont arrivées de façon massive en Europe notamment en provenance de Syrie et d'Irak et d'Afghanistan et ont créé cet appel d'air. Et Idomeni s'est créé un camp qui était un camp de transit pendant l'été, qui n'était pas géré par le HCR, justement, parce que l'Europe... D'abord, le HCR avait commencé cette discussion avec l'Europe en disant « Vous êtes riches, on ne va pas déplumer le Kenya, la Tanzanie, le Pakistan pour vous donner des financements, donc vous allez vous débrouiller. » Et puis, à la fin de l'été, quand ils se sont aperçus que les États européens ne faisaient rien, que les gens étaient accueillis dans des conditions absolument épouvantables d'un point de vue sanitaire, ils se sont mis à s'intéresser à ces camps malgré eux. Et Idomeni, quand on va filmer là-bas, on est quasiment au lendemain du 13 novembre, on est quelques jours après en France, où donc il y a eu cette tuerie abominable à Paris, ces tueries à Paris. Et mécaniquement, l'Europe ferme ses frontières. Et donc ces populations, tout d'un coup, qui passaient librement à travers cette zone-là, et pour lequel Idomeni n'était qu'un camp de transit, se retrouvent coincés s'ils n'ont pas un papier prouvant qu'ils sont irakiens, syriens ou afghans, c'est-à-dire pays en guerre, entre guillemets. Et donc, le reste du monde est bloqué à Idomeni. Et dans un intervalle très très court, en fait, une population absolument gigantesque se trouve bloquée là, et donc un camp se forme, est en train de se former dans des conditions sous la pluie, dans le froid, dans la boue. Enfin, c'est quelque chose de complètement indigne, en fait, vraiment, et qui révolte les gens du HCR à ce moment-là, qui sont vraiment très très remontés. Et naissent là-bas des situations qui sont et des discussions qui sont pour le coup pas dans le tout à fait dans le doc, parce qu'on peut pas tout mettre, mais avec cette espèce de reste du monde qui reste bloqué côté grec, qui a ces discussions de « mais nous aussi, au Pakistan, on est en guerre, en fait, on est en guerre depuis les années 80, donc pourquoi vous reconnaissez ? Pourquoi nous, on peut pas passer ?» Et toutes les situations du monde se retrouvent dans ce camp, et ils s'organisent comme ça, c'est-à-dire que les Iraniens, qui sont là souvent pour des questions religieuses, se mettent dans un coin, s'affrontent, enfin, c'est un moment complètement dingue qui ne tient pas d'ailleurs parce que les problèmes de sécurité, c'est tellement mal géré et tellement peu géré que la situation devient très vite explosive. Il y a un mort et le camp est fermé et ventilé. Mais c'est le dernier camp qu'on a voulu filmer. On voulait filmer quelque chose en Europe en fait. Un terme n'est pas employé dans votre documentaire, mais j'y ai pensé en entendant, en regardant l'une des scènes, c'est cette notion du bore out, cette notion de l'angoisse absolue liée à l'inactivité. Vous avez pu vous approcher un peu de ça? Est-ce que vous pourriez un petit peu nous en témoigner quelques récits? Il y a une scène en effet qui est tournée à Dadaab parce qu'à ce moment-là, en fait, le ces camps donc qui durent sont un problème pour le HCR parce qu'ils n'ont pas les, enfin d'abord sont un problème pour les gens qui sont dedans, mais sont aussi un problème de gestion pour le HCR parce que plus le camp dure, moins l'intérêt médiatique et des États et des donateurs est là, et donc plus ça dure, plus ils doivent faire. Avec des moyens en moins chaque année. Donc ça, c'est un premier problème. D'un point de vue de l'État, eux, ils veulent que ces camps, c'est un morceau de leur territoire, c'est plein de problématiques, ils veulent que ça parte. Et à Dadaab, c'est particulièrement ce que beaucoup appellent Dadaab le camp le monstre, parce que c'est cette espèce de alors j'ai plus les chiffres en tête, parce que ça a quand même assez changé depuis qu'on y est allé, mais qui a été créé au début des premières guerres avec la Somalie, où ces populations sont arrivées au Kenya, côté kenyan, qui est un endroit désertique, hein, où c'est impossible de vivre normalement là-bas, enfin où il y a très très peu, il y a une population, mais elle est très très voilà, c'est quand même des conditions extrêmes. Et donc depuis le début, le Kenya veut que les gens repartent et donc font tout et régulièrement annoncent la fermeture du camp. Et donc nous, on est à un moment donné où le Kenya met beaucoup de pression et donc le HCR, comme il y a des zones en Somalie qui sont un peu moins affectées par les combats et par les infiltrées par les Shebab, les États décrètent que ces zones-là, on va pouvoir envoyer les gens. Et donc sont offertes des conditions de retour pour des populations et certains s'en saisissent. Et donc il y a ces entretiens qui ont lieu à Dadaab qu'on capte, qu'on filme, avec des populations qui sont là, et notamment des hommes qui sont là depuis de très nombreuses années, qui sont complètement à bout en fait, et qui sont très conscients du fait qu'ils retournent dans un pays en guerre et non pas dans une zone safe comme on leur vend, qui savent très bien que le long du chemin ils peuvent se faire enlever et tuer et que leurs enfants peuvent disparaître avec eux. Mais plutôt ça que ce rien. Plutôt ça que être dépendant de l'aide, plutôt ça que de ne rien faire toute la journée, parce que le camp organise ça en fait. Il est interdit de travailler. Alors il y a une activité qui se crée en réalité. Il y a une activité grise, interdite, mais il y a une activité économique. Il y a des études sur Dadaab qui ont été faites sur le volume d'échanges qui est fait. Il y a énormément de petits commerces. C'est énorme. C'est un endroit, mais c'est du trafic en fait. C'est pas légal. Donc la plupart des gens sont quand même encouragés à ne rien faire. On éduque les enfants, on les soigne, donc ils sont les urgences sont plutôt pas trop mal gérées, mais on les éduque. Alors, quand on est enfant, on va à peu près à l'école, mais une fois qu'on a l'esprit formé, il y a rien qui vient derrière. Donc quand ça s'éternise, ça rend dingue les gens. Alors Dadaab, il y a plusieurs choses au niveau de la santé mentale, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu des choses abominables parce que le conflit en Somalie, est arrivé à des extrémités, donc les gens vivent avec du syndrome post-traumatique parfois aigu. Et puis surtout, il y a cette espèce de grande dépression générale pour laquelle il y a, je crois que quand j'y étais, il y avait un psychiatre pour 500 000 personnes ou quelque chose comme ça, de MSF. Donc c'est absolument pas géré, en effet, cette espèce de grande dépression du rien. Autre dimension, à côté de la stagnation, presque en marge, et qui était expérimentée notamment sur les centres ou les camps dits modernes, tels celui d'Azrat en Jordanie, c'est de l'innovation. L'innovation qui est totalement spectaculaire. Alors ça va sur des choses assez logiques qui seraient les énergies alternatives telles que la lumière solaire, mais aussi un distributeur de billets de banque. Bah oui, on peut trouver ça dans un camp de réfugiés. Là, on est quand même on est quoi ? On est dans du surréalisme, on est chez Tati là. Il y a Tati, et puis il y a notre monde aujourd'hui. Il y a ce monde, effectivement, où les États ont finalement plus beaucoup de moyens, plus beaucoup de pouvoir, où en revanche les multinationales en ont énormément, et donc se posent des questions sur les camps, c'est-à-dire est-ce que c'est pas intéressant d'investir, est-ce qu'on n'a pas aussi ce qu'ils appellent la responsabilité, le RSE, la responsabilité sociale des entreprises, est-ce qu'on n'a pas un devoir de s'investir dans ces camps, et parfois c'est pas que négatif, je veux dire, parfois effectivement ils arrivent à se substituer quand on a tourné, je crois qu'IKEA avait fait une donation qui était la principale donation privée que l'ONU ait jamais reçue et qui arrivait au niveau de ce que donnait la France à cette organisation chaque année. Donc ça dit beaucoup de choses de notre monde, en fait, et de ce que ça a de complexe et de négatif et de positif aussi. Mais le distributeur, l'automate, alors celui-là, il m'a... Your transaction is being processed. Yeah, okay. It's working now. Look. Yeah. Look at that. Yeah. We're able to deliver 98 euros of every 100 euros donated to the refugees. Filmé comme ça, il y a quelque chose d'effectivement de très violent. Et ça repose aussi sur cette idée qui est traversée, qui traverse l'humanitaire depuis très longtemps en réalité, qui est de dire, est-ce qu'il faut mieux donner à des gens une couverture, une tente, une bassine, ou est-ce qu'il faut mieux leur donner de l'argent pour qu'ils l'achètent? Et qu'ils en fassent à la limite ce qu'ils veulent, parce que peut-être qu'ils ont une couverture et une bassine, donc peut-être c'est pas ça dont ils ont besoin. Et pendant longtemps, l'idée qui était derrière cette idée de ne pas donner de l'argent, c'était qu'on ne faisait pas confiance aux réfugiés, c'est-à-dire qu'on disait non mais il va dépenser ça pour acheter je sais pas quoi, enfin il va pas savoir quoi. Voilà, est-ce que finalement il y a besoin de ça, ou est-ce qu'ils peuvent pas par l'économie finalement et par des réflexions capitalistiques finalement se régler des problèmes qui sont très compliqués à régler autrement. Et donc ça... faut considérer qu'un réfugié, on lui octroie un capital de qu'il peut aller... Voilà, alors là, le problème, c'est qu'effectivement, c'est toujours pareil, c'est les détails le problème. Là, en l'occurrence, on leur donne de l'argent qu'ils ne peuvent dépenser, puisqu'ils n'ont pas le droit de sortir. S'ils sortent de ce camp, il faut qu'ils prennent une semaine de vacances. Et s'ils le quittent, ils sont considérés comme illégaux. À ce moment-là, il est interdit. Donc, je vous disais, il y a certains camps où il y a des petits commerces qui s'organisent. Le premier camp, Zaatari, qui est un camp gigantesque qui s'est créé en Jordanie. Il y a une pizzeria. Il y a presque un boulevard qui s'est fait avec énormément d'argent. Comme c'est interdit, ça échappe à l'impôt. Et évidemment, la Jordanie, le pays hôte, ne voit pas ça d'un bon œil. Et donc, ils se disent à Azraq, on en fait un camp modèle. Donc, on le construit en essayant de tirer les leçons d'un certain nombre de choses. Donc, il n'y aura pas ces échoppes. Et évidemment, on leur donne de l'argent qu'ils ne peuvent dépenser que dans un supermarché, qui est un supermarché privé. Donc, évidemment, Jordanie n'est pas un pays particulièrement pas corrompu. On peut s'interroger sur comment les autorisations ont été données pour pouvoir opérer dans ce camp. Et surtout, c'est qu'ils ne peuvent pas, par rapport aux pays hôtes, influer sur les prix. Donc... Et les prix sont plutôt plus élevés qu'ailleurs. Donc, on leur donne de l'argent qu'ils ne peuvent dépenser que dans un endroit où c'est plutôt plus cher qu'ailleurs. Donc, évidemment, c'est là où ça devient problématique. Tous ces films dont nous parlons depuis le début de la semaine, comment faire pour les voir? Y a-t-il désormais The Coffret of the Movies of Anne Poiret? Ou bien non, faut attendre? Non, il y a du VOD quand même. Arte, notamment, à certains films qui sont à la demande... accessible, et puis il y a d'autres choses qui sont sur internet. Bon, en attendant, merci et à demain. À demain. Demain, suite de nos entretiens avec Anne Poiret, il y sera question de Mossoul après la guerre, prochain documentaire à découvrir ce dimanche sur RTS2. Demain vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. En octobre 2017, la ville syrienne de Raqqa était reprise par la coalition à l'organisation djihadiste État islamique. Depuis lors, les habitants de cette ex-capitale du califat autoproclamé sont largement livrés à eux-mêmes. Raqqa, une reconstruction en trompe-l'œil, un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté.